marqué. Gino, l'avenir dans les mots de 007 gros. Où mène la vie? Écoute ça petit. Si si. Bah ouais. On met en vie, on meurt, c'est la devise, loin de destin. On est qui, on craint à toute heure, car la vie est un festin. On fait des études pour aller loin dans sa carrière. Là où plusieurs attendent, on passe le cap suicidaire. On croit qu'on s'en sort, mais enfin on se serre les couilles. Je n'ai qu'un pas entre tes potes et ceux qui vont se faire foutre. Je maudis les mathématiques, beaucoup se retrouvent à la clinique. J'ai 16 ans, je suis solo et tu ne peux pas mater ma clique. Ici la vie est pathétique, tu as ce professeur, ce proviseur qui se prétendent frères et sœurs. Ne serait d'autre que casseurs qui nous rendent la vie malheur. Imagine un monde où tout le monde se respecte. Que l'on soit des causes ou différentes sectes. Que tout le monde se dise bonjour et puis qu'il se serre la main. Que faudrait-il pour que ceci soit bon demain? Depuis que je rappe, je me sens mieux, y'a rien à faire, je me prends pour Dieu. Depuis que je pose, je me sens mieux, y'a rien à faire, mais baisse les yeux. Depuis que je rappe, je me sens mieux, y'a rien à faire, je me prends pour Dieu. Depuis que je pose, je me sens mieux, y'a rien à faire, mais baisse les yeux. Cette musique pour te dire où mène la vie. Je dois jouer rat, non pas Chimène Badis. Ça serait bien que les filles soient des barbies. Ça serait bien que les rappeurs soient en baguise. Ça serait bien qu'il y ait plus d'apprentis. Voici ici sur une digue de Gino. Et je ne suis pas prétentieux. Pourquoi ne pas regarder pareil les châteaux et les banlieues? Cette pub qui nous raconte du pipeau. C'est cette France qui est bordée de mythos. Que les présidents cessent de nous promettre la lune. Car les résidences plaisent sur le fait de la thune. Que les personnes d'Afrique ou d'ailleurs qui meurent tous de faim. Tout simplement que c'est trop cher. Un petit bout de pain. Que l'on meurt tous dans de petits esprits. Que l'on est tous depuis l'âge à cette vie. Depuis que je rappe, je me sens mieux, y'a rien à faire, je me prends pour Dieu. Depuis que je pose, je me sens mieux, y'a rien à faire, mais baisse les yeux. Depuis que je rappe, je me sens mieux, y'a rien à faire, je me prends pour Dieu. Depuis que je pose, je me sens mieux, y'a rien à faire, mais baisse les yeux. Notre travail accompli, on se retrouve donc retraités. Nous sommes donc posés jusqu'à ce que la mort vienne nous chercher. Nous avons réussi le parcours et oublié tous nos soucis. Tandis que certains sont plongés dans les sursis. Plongeant dans la drogue et dans les trafics d'armes. Ce qui provoque la mort et souvent des pics de larmes. Des magouilleurs et des violeurs de filles. Des imposteurs et des voleurs de flics. La vie n'a qu'un but qui mène sous la terre. Mon seul but c'est la haine de finir rappeur. Je rappe pour rendre la vie plus belle. Alors prenez votre envol vers le ciel. Déployez vos ailes comme une hirondelle. Dédié à ses prod et son label. Ce qui reflète mon grand level. La famille et les amis. Les lyriques et les MC. C'était Gino. Où mène la vie? Depuis que je rappe, je me sens mieux, y'a rien à faire, je me prends pour Dieu. Depuis que je pose, je me sens mieux, y'a rien à faire, mec, baisse les yeux. Depuis que je rappe, je me sens mieux, y'a rien à faire.